Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La fierté, ne le dissimulons pas, qu'il y avait à tenir son gaffiot à la main. Le premier grand et lourd dictionnaire, dictionnaire érudit, et qui nous laissait croire que nous-mêmes allions devenir savants. Le gaffiot. Où est-il, le gaffiot de votre enfance? Plus ou moins jauni, déchiré, abandonné dans un grenier? Depuis 1934, le gaffiot, dictionnaire latin-français, trônait dans les familles qui avaient choisi de faire étudier à leurs enfants cette langue morte, mais si présente dans nos vies. Un beau jour parut un nouveau gaffiot. Tire-ta-langue en rendit compte, comme il se devait. C'était le 25 septembre 2001 sur France Culture. Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde. Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est... Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard. À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Tu vois, c'est une courave, ouais. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? Il ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'est tiré. Il y a 20 ans, mourait brutalement un professeur de lettres d'exception, Armand Jacob, qui avait marqué des milliers d'élèves de Julien Clerc à Patrick Modiano au cours de son enseignement au lycée Lacanal à Sceaux, puis Henri IV à Paris. L'une des spécialités d'Armand Jacob, lors de l'exercice de version latine, était de reconnaître les traductions recopiées avec plus ou moins de bonheur par ses élèves qui, pour brouiller les pistes, farfouillaient en bibliothèque à la recherche d'ouvrages d'avant-guerre ou même du XIXe siècle, oublié par tous, sauf par Armand Jacob, qui, jubilant et pouffant, scandait l'auteur, l'éditeur et la date de publication de la traduction en question. Avec lui, le latin mourait, mais ne se rendait pas. Il adorait par-dessus tout, ouvrant ainsi des abîmes sous les pas des chères têtes blondes, corriger les exemples qui émaillaient le fameux dictionnaire gaffiot, dont chacun sait, se boyotait Armand Jacob, qu'il fut rédigé en état d'ébriété. Allons, allons, retrouvons le sérieux qui sied. Dans un instant, le documentaire de Simone Dweck nous parlera de la seconde jeunesse du gaffiot, qui demeure le nec plus ultra, pour ne point dire le must. Et pour le dernier quart d'heure de l'émission, remontant le cours de nos souvenirs pour passer du lycée à la maternelle, je recevrai Pierre Lartigue, pour son étude sur les comptines, parue aux éditions Les Belles Lettres, fort réputées par ailleurs pour leur catalogue de traductions des anciens. À propos d'anciens, voici le nôtre, Philippe Barthelet et sa chronique, qui semble parfois directement traduite ou non traduite, du meilleur latin. Félix, Félix. Heureux Félix, à coup sûr, que ce professeur gaffiot de l'université de Besançon frappé pour les siècles d'anonymat glorieux. Celui qui est l'objet de cet anonymat devient en effet un objet, et son nom est promu nom commun. Plus encore que Larousse et Littré, qui ont des notices et des portraits identifiables, gaffiot est le patron de ces anonymes, puisqu'on ne sait rien de lui que son nom. Plus que Virgile ou Cicéron, plus même que César, il fut le guide romain des âmes juvéniles. Ses articles, qui ont l'Imperatoria Brevitas, ainsi que les cartes et les vignettes dont ils sont adornés, ont fait naître beaucoup de vocations, inaccomplies parce qu'hélas inaccomplissables, de castramétation ou de polyurcétique. Les légions en ordre de marche, agmen, ou en ligne de bataille, aquies, ou encore formant la tortue, testudo, pour attaquer les fortifications, c'est dans gaffiot qu'elles manœuvrent pour l'éternité des dictionnaires. À l'article via, une coupe nous détaille ce qui forma l'ossature de l'Empire, ses voies romaines, stratum et crepido, nucleus, ruderatio et statumen, construites pour n'être réparées qu'au bout d'un siècle. Trouvent aussi refuge en Gaffio des montagnes ou des villes oubliées des cartes, des peuples, des pierres et des plantes que les savants d'aujourd'hui ne savent plus identifier. Quid, par exemple, de cette Via Niomina, ville de la Norique ou de la Pannonie supérieure, autrement dit de l'Autriche-Hongrie, ou de Patiga, cité nilotique, ou encore de ce mont Sibotus, dont on ne sait trop où il s'élevait. La concision lexicographique est en elle-même un trésor d'enseignement. Ainsi de Vica Pota, déesse de la victoire et de la conquête, dont la mention est empruntée à Cicéron et à Tite-Live, qui devient pour Arnob, trois siècles plus tard, Victa Potua, soit la déesse de l'alimentation et de la boisson. C'est ainsi que M. Gaffio, en composant son dictionnaire, tenait aussi et implacablement les fastes de la décadence. Je me souviens de l'adagio d'Albinoni. Je me souviens de l'émission de Jean Lec, le grenier de Montmartre. Je me souviens du contentement que j'éprouvais quand, ayant à faire une version latine, je rencontrais dans le Gaffio une phrase toute traduite. Je me souviens de l'époque où la mode était aux chemises noires. Je me souviens des postes à galènes. Quand nous regardons le nouveau Gaffio, dit le grand Gaffio, d'abord on est frappé, je crois, par la couverture. L'ancienne reliure était une reliure de toile marron, assez peu d'une certaine façon attrayante. Peut-être elle n'était pas salissante, et cela convenait pour les collégiens. Était un peu rêche au toucher. Oui, exactement. Alors que celle-ci est une couverture donc d'un cartonnage brillant et qui représente, je pense que le symbole est très frappant, la bouche de la vérité. Donc en ouvrant ce dictionnaire, nous allons en quelque sorte trouver la vérité. Et ça, c'est une chose, je crois, qui aurait été très sensible aux collégiens que nous étions. Et puis quand on l'ouvre, après d'avoir vu une carte en couleur, alors que l'ancienne carte qu'il y avait dans le Gaffio était dans une sorte de couleur marron, bistre, oui, sépia. Et après les dédicaces, il y a, et ça j'y ai été très sensible, un mode d'emploi où on explique à l'utilisateur du Gaffio la façon donc d'utiliser cet ouvrage et ce qu'il va y trouver, les différents types d'informations et surtout la façon de les trouver. Or, dans l'ancien Gaffio, si je peux parler ainsi, il n'y avait pas ce mode d'emploi. Nous étions lancés finalement dans le dictionnaire immédiatement. En 1934, Félix Gaffio avait offert une grande innovation à la jeune population des latinistes, un dictionnaire illustré. Ce dictionnaire latin-français a, jusqu'en l'an 2000, accompagné nos enfances et nos versions latines. Dans toutes ces pages, imprimées en petits caractères, au milieu des cartes et des illustrations, des verbes, noms, adjectifs, conjonctions, adverbes et noms propres, il y avait de quoi, comme l'écrivait Michel Butor, fouiller notre chemin dans le dictionnaire. Et maintenant, quoi de neuf chez Gaffio ? Le grand Gaffio. Le même, mais avec 70 000 entrées, révisées, précisées, nettoyées, comme disent ses auteurs en parlant de ses flottements, trop sans doute aux yeux de ses lecteurs privés aujourd'hui de l'iconographie disparue, élargie en tout cas à d'autres périodes et à d'autres domaines de la latinité. Et si Félix Gaffio nous laisse percevoir quels étaient ses choix scientifiques et ses penchants politiques, on le verra, il est dit qu'un dictionnaire n'échappe pas à l'empreinte de son auteur et que Pierre Flaubert, en élargissant le corpus du dictionnaire à la patristique, nous aura, lui aussi, entraîné vers ses passions latines. Mais impossible de feuilleter ce grand Gaffio sans penser aux strates de nos préparations latines répétées, a fortiori si l'on a, comme Françoise Vaquet, écrit une histoire du latin. C'est un très bel ouvrage, très élégamment présenté. Naturellement, il y a une sorte de nostalgie, je crois, de l'ancien Gaffio qui a été, je crois, pour beaucoup d'entre nous, un compagnon pendant de nombreuses années. Les pages sont beaucoup plus blanches. Mon Gaffio est très jauni. Peut-être n'était-il pas comme cela, mais c'est le souvenir aussi qui s'était associé. Naturellement, les nouvelles notices sont beaucoup plus claires. Il y a en particulier en tête des entrées longues, une sorte de récapitulatif qui permet de s'orienter très rapidement dans les divers sens que le mot a présenté. Mais il manque quelque chose qui pour moi était fascinant dans l'ancien Gaffio. Et là, ce sont des souvenirs naturellement d'enfants. Ce sont ces petits dessins aux traits qu'il y avait et qui donnaient parfois à rêver. Et je vous donnerai un exemple sur lequel j'ai rêvé en toute ignorance, je dirais. C'est l'expression de faire la tortue, expression qui désignait cette pratique qu'avaient les soldats de placer un bouclier au-dessus de leur tête pour, s'approcher d'une forteresse, d'un lieu à prendre, sans risquer de recevoir des flèches, etc. Et il y avait dans l'ancien Gaffio une représentation de ces soldats sous le bouclier faisant la tortue. Et je dois dire que pour moi, cela avait été très éclairant, car cette expression d'ordre militaire ne m'aurait jamais rien dit. Voilà. Alors aussi, les éditeurs d'ailleurs insistent justement là-dessus, ce sont des traductions beaucoup plus modernes, en quelque sorte, qui essaient d'éviter un peu ce style de version latine. Un style un peu démodé que l'on trouvait dans certaines traductions de l'ancien Gaffio. Quoique dans le nouveau, j'ai remarqué qu'un mot aussi, qui était un des grands mots de l'univers scolaire, qui est le mot « utinam », que nous traduisions d'un seul homme, « plutôt ciel que, fasse les dieux que », formule que nous n'aurions jamais utilisée dans la vie courante, eh bien, dans le nouveau Gaffio, dit le grand Gaffio, il y a encore ce sens, même si ensuite les exemples sont traduits de façon beaucoup plus moderne. Pierre Flaubert, vous avez apporté avec vous ce nouveau Gaffio qui s'appelle le Grand Gaffio. Eh bien, ce Grand Gaffio est effectivement un peu agrandi par rapport à l'ancien, parce que vous avez vu que le format est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus large. D'autre part, on a supprimé les figures. Alors, pourquoi a-t-on supprimé les figures ? Pour trois raisons, si vous voulez. Parce que ça, c'est un grand regret, hein, des amoureux du Gaffio. C'est un grand regret, mais enfin, les plaques étaient tellement usées que c'était plus possible de les reproduire telles quelles, quoi. C'était périmé, quoi, au point de vue typographique. Elles étaient gravées sur du cuivre, il y avait eu de très nombreux tirages et les plaques étaient usées. Il y a eu, d'autre part, un autre argument, ça permettait de donner un petit peu plus de place au vocabulaire dans le dictionnaire, ça faisait de la place libre. Et puis, troisième argument, qui serait certainement approuvé par les archéologues, c'est que ce n'était plus au niveau de la science, n'est-ce pas ? Et il aurait fallu des spécialistes d'iconographie pour refaire complètement les figures, les mettre au niveau de la science. L'apprentissage rapide du vieux français, prolongé du latin puis du grec, celui-là même de l'anglais, n'avait pas pour fonction de faire vaciller nos repères en transformant, ne fût-ce que quelques heures, notre propre langue en une langue étrangère. C'était l'inverse. Certes, elles nous résistaient, ces langues, comme le font les pays aux conquérants. Elles n'étaient pas faites comme la nôtre. Nous pouvions, devant elles, être totalement désemparés. Les larmes montaient, ou quelque excitation étrange que plus tard nous saurions qualifier de sexuelle. Mais enfin, rien, Gaffio baillait dents, qui ne fût par principe traduisible. Les sigles en rouge dans la marge, CS, FS, MD, nous en administraient la preuve chaque semaine avec la remise de nos copies corrigées. Le non-sens seul était infamant, le contresens, le faux sens, n'était qu'un éloge indirect de la vertu. Le mal-dit confirmait l'excellence du bien-dire. L'éminence de notre langue, nous la voyons attestée par la suprématie consacrée de la version sur le thème. La maîtrise de la version devait allier l'art à l'intelligence du texte. Le thème n'était qu'un exercice de grammaire appliqué. Berfugna était notre fort en thème. Nous le tenions pour un pauvre type. J.B. Pontalis, L'amour des commencements. Françoise Vaquet, le Gaffio, c'est déjà tout un monde, c'est tout un monde de mémoire en fait. Oui, c'est un monde de mémoire, je dirais presque c'est peut-être un lieu de mémoire du monde scolaire. Car pour beaucoup d'enfants, et maintenant pour beaucoup d'entre nous, je crois que le Gaffio est entièrement lié au monde de l'école et à la découverte du latin, associé au latin. Il est frappant de voir que, si on se rappelle bien, c'est le premier gros dictionnaire érudit que nous utilisions, sans mesure commune avec les dictionnaires de langue. Un dictionnaire beaucoup plus savant, beaucoup plus lourd aussi, je m'en... Il doit peser au moins 2-3 kilos peut-être. Et ce dictionnaire, finalement, nous accompagnait pendant toute notre scolarité. Je me rappelle parfaitement, quand j'allais au collège, dans la ville de province où j'habitais, le jour où il y avait, comme nous disions, composition de latin, version latine, on portait ce dictionnaire fort lourd, mais aussi fièrement. Et même, je me rappelle, il y avait des camarades qui avaient fait une sorte de, comment dire, d'enveloppe en quelque sorte, en tissu, avec des poignées permettant de porter ce dictionnaire. Alors c'est aussi la première pratique au fond d'un dictionnaire érudit, comme vous dites. Ça aussi, il doit y avoir des souvenirs, non ? Oui, c'est la première pratique d'un dictionnaire érudit et aussi, je dirais, d'un ouvrage à la fois mystérieux, complexe, difficile. Pensons que c'était, commençons à l'utiliser, nous avions 12 ans, 13 ans. Et en même temps, c'était un dictionnaire, comment dire, qui était le porteur de toutes nos espérances, notre véritable providence. On y cherchait tous les mots, en espérant trouver le sens d'une phrase, et quand nous l'utilisions à la maison, naturellement, on pensait trouver la référence précise qui nous conduirait vers la traduction. Alors, les sources de Félix Gaffio, quelles étaient-elles, puisque c'était en 1934 En 1934, ces sources étaient au départ vieillies. C'est en fait un dictionnaire du 19e siècle qu'il a fait. D'abord, vous pouvez contrôler dans l'indication des auteurs et des abréviations, toutes les éditions qu'il utilise sont périmées aujourd'hui. Alors, ce n'est pas simplement une question d'approvisionnement, mais c'est une question de texte. Et il a fait entrer dans son dictionnaire beaucoup de leçons qui sont rejetées aujourd'hui, d'anciennes conjectures ou des fautes dans les éditions. Donc, au point de vue philologique, c'était périmé. C'était périmé au départ, en 34, parce qu'il y avait déjà des éditions du 20e siècle. Il les a peu employées. Alors, vous n'avez qu'à comparer les deux listes, la liste des auteurs et ouvrages chez lui et chez moi. Il y a une différence totale. D'ailleurs, c'était fait avec peu de soin et il y a des choses importantes qui manquent. Mais peu de soin, on sait que Félix Gaffio était un amoureux quand même du vrai latin, comme il le disait. Amoureux du vrai latin, mais c'était un personnage un peu brouillon. Si vous regardez, par exemple, le Nouveau Testament... Dans les deux éditions, vous voyez qu'il manque la moitié des épîtres de saint Paul. On les prend ou on ne les prend pas. Mais si on les prend, on les prend toutes. Et il manque quand même pas mal de choses. Et des auteurs qu'on a retrouvés depuis, par exemple, savoureux journal de voyage d'Égérie, qui fait un pèlerinage au Sinaï en Palestine, à la fin du IVe siècle. C'est un texte qui a été... redécouvert vers 1880, Félix Gaffio ne le cite même pas. Et pour la langue, c'est un témoignage essentiel. Quels étaient ses repères, en fait? Ses repères, sources. C'est très simple. C'était la latinité jusqu'à Isidore de Séville, c'est-à-dire mort en 636, jusqu'au 7e siècle. Mais il y a beaucoup de manques, parce que, comme vous pouvez voir dès les premières pages, quand il cite un auteur tardif, il se limite à des références tout à fait sommaires, Jean Eccle, ecclésiastique. Et puis allez voir, qui est-ce ? Est-ce que c'est Tertullien ? Est-ce que c'est Augustin ? Est-ce que c'est un autre ? On ne sait pas. Il n'y a pas de référence du tout. Et c'est même assez choquant parce que Gaffio avait l'avantage sur les autres dictionnaires de donner les références. Or, pour les auteurs tardifs, il est très négligent. Il ne donne pas toujours les références. Il a laissé aussi tomber les glossaires, qui sont très importants pour le latin très tardif. Il a laissé tomber aussi les références aux inscriptions. Et les inscriptions, il y en a plus de 500 000, alors allez les trouver. Mais ce n'était peut-être, à ce moment-là, ce n'était pas la préoccupation, j'imagine. On s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui aux inscriptions, par bien exemple. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une des raisons du vieillissement du Gaffio, c'est que son plan était trop étroit, parce que c'était normalement le latin des origines à Isidore de Séville, mais le latin, pour lui, c'est de Plaute à Tacite. Oui, dans sa préface, il parle du latin de la décadence, c'est ça? Oui, le latin de la décadence. Qui ne peut pas être traité comme... C'est une expression que j'ai pourchassée et supprimée partout. Il y avait même décadence dans les abréviations. Il n'y a pas de décadence. Il y a de la latinité tardive, mais la décadence, c'est du tome à couture, n'est-ce pas? Les latins de la décadence, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se goberger et de boire à gogo, n'est-ce pas? En fait, c'est ce qu'on appelle maintenant du latin tardif, et c'est tout, quoi. Ab, aps, préposition avec ablatif. Point de départ. Premièrement, avec des verbes de mouvement, transitifs ou intransitifs, simples ou composés, exemple, assigno wortumni in circum maximum venire, Cicéron, venir de la statue de Vertumne au circus maximus, au cirque maxime. Deuxièmement, avec nom de personne, de chez d'auprès, exemple, a caesare redire, Cicéron, revenir de chez César. Troisièmement, sans verbe, non ille Serranus abaratro, Cicéron, non pas le fameux Serranus venu de sa charrue. Quatrièmement, en parlant de lettres, de la part de, exemple, litterae ad latae ab el porcio praetore, Tite Live, une lettre apportée de la part du prêteur Porcius. Cinquièmement, avec adresse marquant le résultat du mouvement. Exemple, adeste a milité, Plaute, il est là venant de la part du militaire. Compulsé des dictionnaires du latin des chrétiens et nous avons incorporé tout ce qui était intéressant de façon à élargir beaucoup l'aspect sémantique, parce que j'ai quand même touché à l'aspect sémantique parce qu'il y a des sens de latin ecclésiastique qui n'existent pas naturellement. Même un article comme Sanctus, le mot est latin, on comprend en gros, mais enfin il n'est quand même pas mauvais, et j'ai dû rajouter ça à un collaborateur, les sens chrétiens de Sanctus, qui n'étaient pas chez Gaffio. D'ailleurs Gaffio, vous savez, je ne sais pas ce qu'il pensait de la religion. C'était un radical, hein. Donc les pères de l'Église, c'était pas son admiration. Donc on a enrichi beaucoup le latin tardif pour donner accès aux chrétiens, et même très tard, jusqu'à Grégoire de Tours, au VIe siècle. Grégoire de Tours était à peine cité. En tous les cas, il n'y avait pas de référence explicite. Ça, c'était un peu un de mes auteurs favoris, et là, du côté de Grégoire de Tours, j'ai insisté. Et pour les noms propres aussi, j'ai fait un gros effort pour les noms latins des villes de France, par exemple, cités par Grégoire de Tours. Gaffio, au point de vue géographique, était d'une ignorance abyssale. Il mettait n'importe quoi. Frédéric Biville, vous dites que votre méthode de travail a été de repartir de vos propres fiches. Mmh. C'est-à-dire que, parce qu'on imagine que rebalayer comme ça tout un corpus de mots, c'est un travail absolument titanesque. C'est ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ancien Gaffio et je l'ai systématiquement mis en parallèle avec mon propre fichier de mots grecs qui n'était évidemment pas complet. Ce n'est pas possible d'avoir l'ensemble du lexique grec en latin, mais qui comportait différentes formes extrêmement intéressantes. Donc, je les ai mis en parallèle et j'ai procédé déjà à des compléments. C'est-à-dire que j'ai ajouté des mots grecs qui n'existaient pas dans l'ancien Gafio. Par exemple, j'ai ajouté l'exclamation « kalos », qui est un adverbe grec qui signifie « très bien » et qui est utilisé comme acclamation dans les jeux de gladiateurs, par exemple, pour dire « bravo ». Ensuite, j'ai compulsé systématiquement les termes grecs qui se trouvaient dans mon fichier et j'ai regardé si les étymologies grecques apparaissaient dans le Gafio. Donc, j'ai indiqué ce que l'on appelle les étymons grecs, les origines grecques, avec les formes exactes, car bien souvent les formes, lorsqu'elles étaient données par le Gafio, étaient des formes approximatives. Ce n'était pas la forme qui était effectivement à l'origine du mot. Et ça, c'est dû à quoi, par exemple? C'est dû au progrès de la philologie? Alors, c'est dû au progrès de la philologie, bien sûr. C'est dû surtout à une étude beaucoup plus systématique des inscriptions, c'est-à-dire des corpus non littéraires, de tout ce que l'on a pu trouver en grec d'époque romaine, dans les inscriptions, dans les papyries, dans le Nouveau Testament, par exemple, aussi. Donc, il y a une meilleure connaissance de tout ce grec hellénistique d'époque romaine. Alors, ce qui est intéressant, Frédéric Biville, dans ce travail sur l'étymologie aussi, c'est qu'il nous fait percevoir non seulement l'amont d'un mot, mais aussi son aval. Qu'est-ce que ce mot a donné dans d'autres langues? Enfin, on a l'impression, quand on parcourt, quand on feuillette ce Gafio, que c'est un véritable voyage de la langue que l'on assiste. C'est ça. Alors, l'une des grandes nouveautés, l'un des grands intérêts de ce nouveau Gafio, c'est précisément de replacer chaque mot dans son histoire. Alors, dans son histoire à l'intérieur de la langue latine, en augmentant le nombre de références, le nombre de significations, en mettant le mot en relation avec les autres mots de la même famille, ou en donnant les différentes variantes formelles d'un même mot. Ça, c'est nouveau, ça, par exemple. Ça ne figure pas dans l'ancienne édition. C'est plus systématique, hein, c'est fait de manière plus systématique, mais aussi de mettre le mot en relation avec la famille de langue dont il est issu, c'est-à-dire de le replacer dans la famille des langues indo-européennes. Donc, en donnant, par exemple, d'autres formes anciennes utilisées en Italie, dans des langues voisines du latin, comme l'ombrien, par exemple, ou bien encore de donner des formes parallèles dans les langues apparentées au latin, par exemple des formes sanscrites, ou bien alors de donner l'étymologie du mot lorsqu'il est emprunté à une autre langue indo-européenne et en particulier au grec. Donc le grec peut apparaître de deux manières. Dans les étymologies qui sont données, il peut apparaître comme forme parallèle, héritée de l'indo-européen au même titre que la forme latine, et il peut apparaître comme langue à l'origine du mot latin. La nouveauté de ce Gafio, c'est aussi de voir la destinée du mot, c'est-à-dire de montrer ce que le mot a donné après la disparition du latin comme langue vivante. Lorsqu'il est resté dans les langues romanes, comme héritage, comme évolution spontanée, et évidemment le français occupe ici la première place, mais aussi lorsqu'il a été emprunté par d'autres langues, et nous avons de nombreux exemples de mots latins qui survivent dans des emprunts à l'allemand ou au grec, ou à l'anglais par exemple. Ferro, fers, fert, ferré, tuli, latum. Premièrement, porter. Deuxièmement, au figuré, porter le nom de. Troisièmement, supporter, aegré, molesté, ferré, aliquid. Quatrièmement, porter, présenter. Exemple, ferré ad plebem ut, proposer au peuple que. Cinquièmement, comporter. Exemple, ut aetas illa fert, comme c'est naturel à son âge. Alors techniquement, les collaborateurs faisaient des fiches, une par mot auquel ils apportaient des enrichissements ou des améliorations, voire des suppressions. Alors j'avais donc un énorme paquet de fiches que j'ai relu, quelquefois corrigé un petit peu ou complété, et j'ai intégré ça dans les articles existants. Et parce c'était pas toujours facile, parce que quelquefois ils ajoutaient des significations. Et s'il y avait quatre significations dans le dictionnaire de Gaffio, ils ajoutaient tous une signification numéro 5. Alors il y avait une signification numéro 5 pour l'architecture, même numéro pour le droit romain, parce que Gaffio était très insuffisant pour le droit romain, une citation numéro 5 pour les textes de l'Église, et puis quelquefois il y avait encore quelque chose pour le latin très tardif. On en est à 9. Alors il fallait mettre tout le monde d'accord, donc un numéro 5, un numéro 6, un numéro 7, un numéro 8. Donc vous avez fait les corrections petit à petit sur la saisie de l'ancienne page. C'est ça, oui. Et tout ça manuellement, ce qui est aujourd'hui un peu archaïque. Mais finalement, nous avions une très bonne collaboratrice qui a fait ça véritablement avec amour, enfin avec un dévouement extraordinaire. Et de toute façon, je dois dire quand même une chose qui va vous scandaliser, c'est qu'à mon avis, j'étais le seul à pouvoir faire ce travail, pour une bonne raison. Non pas une connaissance extraordinaire du latin ou une science infuse, mais parce que j'ai une très riche bibliothèque où j'ai à peu près tous les textes latins. Alors, je les avais autour de moi, et quand je voulais vérifier quelque chose, j'avais le livre. Tandis que si je vais à la très grande bibliothèque pour faire une vérification, ça me demande une journée et demie. Voilà. Alors, par exemple, ici, au mot « wenditio », oui, « wenditionis », oui, vous avez ajouté quelque chose. Oui. Je vois aussi un mot qui est rayé. Oui, il y a un mot « wenafer ». Pourquoi ? C'était cité comme un nom d'homme. J'ai vérifié dans tous les livres sur les noms d'hommes en latin, et Wenafer n'apparaît pas. Donc je l'ai supprimé. À partir du moment où je ne peux pas donner une référence, je supprime le mot. J'aime encore mieux ça que de le laisser courir, comme ça, anonyme. C'est ce que vous appelez les mots fantômes ? Les mots fantômes, oui. Alors là, celui-là n'est pas très intéressant, mais quelquefois, il y a des adjectifs, des noms communs, des noms propres, qui sont incorrects, qui remontent à des éditions périmées et qui ne sont pas confirmées par les éditions modernes. Donc en fait, on a tout à fait l'impression que cette langue ancienne, le latin, est une langue vivante. Je veux dire, ça donne une vraie impression de vie, cette espèce de navigation comme ça dans les langues. Le latin vit en ce sens que de très nombreux mots qui figurent dans les rubriques de ce nouveau Gaffio effectivement subsistent dans les langues modernes. Mais il vit aussi par la nature de ses référents, étant donné qu'il a été enrichi de très nombreux termes extrêmement concrets qui font référence à la civilisation gréco-romaine, donc qui font revivre tout un monde très divers, qui peut être un monde très quotidien, très banal, et qui peut être aussi un monde plus intellectuel. C'est-à-dire qu'on revoit les différents aspects sociaux, linguistiques de la langue latine que bien souvent on associe de manière trop restrictive uniquement à une langue de culture, attestée par des textes littéraires ou des textes de réflexion. Mais le latin était aussi une langue parlée au quotidien et à travers ses nombreux enrichissements lexicaux et cette survie romane, on peut avoir un aperçu d'un latin un petit peu autre que parlaient les Romains, avec aussi des formes plus évoluées dont la graphie révèle ce qui pouvait être peut-être la prononciation exacte. Par exemple, si l'on regarde un nom propre tel que le nom Amphio, qui est un nom grec, nous avons un témoignage comme quoi toutes les couches de la population n'étaient pas capables de reconnaître quelqu'un qui s'appelait Amphio avec un PH à la grecque et que par conséquent, il fallait le prononcer à la latine, Amphio, pour savoir de qui il s'agissait. Donc, il y avait des formes très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, on va retrouver ces deux formes-là. On va retrouver ces différentes formes-là. La forme hellénisante, qui était employée par les locuteurs hellénophones, et la forme latinisée, conforme aux normes de prononciation latine, qui était celle, par exemple, des gens qui n'étaient pas cultivés, qui ne savaient pas le grec, et qui lisaient le mot à leur manière. Point sur le vocabulaire que vous avez modernisé. Il y a tout un vocabulaire érotique, par exemple, qui n'existait pas. Et j'ai retrouvé récemment un mot qui a été supprimé. C'est un mot pourtant bien convenable, qui est skywalla. Ça veut dire une amulette. Et entre parenthèses, Gaffio appelait ça des préservatifs. Alors je les ai tous supprimés. Parce que c'est comme en anglais. En anglais, préservatif a pas du tout le sens du français. Ça veut dire qu'il protège contre ceci ou contre cela. Alors, skywalla a été supprimé parce que cette amulette qu'on mettait au cou des enfants pour leur porter bonheur, c'était un phallos, n'est-ce pas? Alors, il l'a sans doute supprimé, et j'ai vu ça avec étonnement en lisant du Varron, un auteur républicain contemporain de Cicéron. Skywalla n'était pas dans le Gaffio et même pas dans le Grand, parce que là, je me suis fait piéger. Alors c'est assez amusant. C'est à rajouter dans une prochaine édition. Donc, amulette, entre parenthèses, de forme phallique, si vous voulez. Il y avait des manques criants dans l'ancien Gaffio. Puisqu'il y avait quand même toute une série de termes qui avaient été exclus. Je ne parle pas des termes de la latinité chrétienne, ça c'est un apport nouveau, plus systématique, mais même dans les textes classiques. Par exemple, on ne trouvait pas dans l'ancien Gaffio la plupart des anciens noms propres de la comédie romaine, ou des personnages du roman de Pétrone. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient considérés comme non propres, donc sans doute n'ayant pas un sens intéressant, ou parce qu'étant évident. Or, ces noms propres des comédies de Plaute ou du roman de Pétrone sont ce qu'on appelle des noms parlants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une signification, ils sont déjà typiques du personnage. Par exemple, quand un bouffon de la comédie de Plaute s'appelle Gélasimus, cela peut être quand même intéressant de savoir que Gélasimus est un mot grec et que cela signifie celui qui fait rire. Ou bien alors, quand un autre personnage s'appelle Gnato, ce n'est pas innocent non plus, étant donné que Gnato, c'est celui qui a des mâchoires qui fonctionnent bien. C'est donc le parasite, celui qui essaie de manger à tous les râteliers. Dans l'ancien Gaffio, pour Pétrone, il n'y avait même pas le nom du héros, c'est-à-dire Trimalchio. Et donc, cela a été ajouté, par exemple... Et que veut dire Trimalchio, par exemple ? Trimalchio, alors l'étymologie est donnée, c'est tri, trois fois, et Malchio, c'est un mot d'origine sémitique qui signifie le roi. Donc, c'est celui qui se prend vraiment pour le roi, pour le chef, pour le tyran. Et son nom est révélateur de ses origines sémitiques. Donc, il est typé comme un affranchi gréco-oriental. Socialement aussi, ça le place, évidemment. Exactement. Thank you. Ça, c'est nouveau, non? Oui. Le calendrier. Oui, le calendrier, là, c'est tout à fait non seulement le calendrier, mais tout ce qui est la métrologie, chronologie, ne figurait pas dans l'ancien dictionnaire. En particulier, là, je vois ces indications sur le calendrier sont aussi très utiles, car là, c'était aussi une source de mauvaise traduction dans les versions latines. Nous nous en mêlions vraiment entre les calendes, les ides, etc. Et ça, je pense que c'est très précieux. La chronologie... Je ne crois pas qu'il y ait une chronologie dans l'ancien dictionnaire. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosa. Avec le latin, les déclinaisons sont parfois vécues par les élèves comme des comptines. Mais nous allons aller véritablement, non pas vers des comptines réinventées, même par Jacques Brel, mais par de véritables. Nous allons aller vers de véritables comptines avec vous, Pierre Lartigue, qui publiait aux éditions Les Belles Lettres une comptine de comptines. Et alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on s'aperçoit, à la lecture de votre livre, Pierre Lartigue, que le mot comptine n'est même pas octogénaire. Le sera l'année prochaine. Oui, eh bien, c'est de là que je suis parti, de ma surprise. Lorsque je me suis aperçu que le mot comptine apparaît en 1922 sous la plume de Pierre Roy, un peintre qui a fait un petit livre sur les comptines, et le livre a été publié en 26, alors le dictionnaire Robert considère que c'est en 26 que pour la première fois le mot comptine apparaît dans la langue française écrite, imprimée. Mais les comptines existaient, alors comment les appelait-on, Pierre Lartigue? Alors, on les appelait formulettes quand on était folkloriste, et on les appelait comptines lorsqu'on était un enfant et qu'on était dans la cour de l'école, n'est-ce pas? On disait des comptages ou des comptines. Bien. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette date tardive d'apparition. Et comment se fait-il que nous, dans notre langue, nous ayons chassé le nom de cette forme poétique? Alors là, j'ai eu le plaisir de découvrir que cette forme poétique a été chassée parce qu'il est de la tradition française de s'attacher à ce qui est raisonnable, que la comptine est profondément déraisonnable. Et reparcourant l'histoire de notre poésie, je vois que l'écriture moderne, l'écriture poétique moderne, est liée à la comptine, d'une certaine façon, que les plus grands inventeurs de notre poésie moderne, Baudelaire dit « le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté », et Rimbaud a affirmé la nécessité de se rapporter à une certaine naïveté, eh bien, les comptines se trouvent liées à toute l'avant-garde poétique, non seulement en France, mais également en Angleterre. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé par-dessus tout, mais aussi de rechercher comment on avait traité ou maltraité la comptine dans notre histoire. En France comme en Angleterre, avez-vous dit, Pierre Lartigue, en Angleterre, on parle de rythme de nurserie, pour traduire mot à mot. Oui, alors les Anglais n'ont pas du tout le même problème que nous quant à la raison. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on accepte beaucoup plus facilement le nonsense. Et les Anglais ont répertorié, publié ce qu'ils appellent les nursery rhymes, de toujours, 17e, 18e, 19e, continuellement. Et il faut dire que les Anglais aussi fondent beaucoup de leur poésie, de grands Anglais, le premier grand Anglais étant Lewis Carroll. Et le livre d'Alice, les deux livres d'Alice reposent sur la pratique de la comptine, n'est-ce pas? Alors, chez les Anglais, la comptine est toujours liée, le goût du nonsense fait qu'on ne s'éloigne jamais en Angleterre de la comptine, alors que nous, je veux dire, nous avons eu un rapport à l'enfance dans notre littérature au XVIe siècle, avec Rabelais, avec bien d'autres poètes ou écrivains, mais l'enfant disparaît de notre littérature pendant deux siècles. Le XVIIe et le 18e. Et nous retrouverons le goût pour les formes de la chanson et de la comptine et de ce qui vient de l'enfance, avec ce que je disais être l'invention de la poésie moderne, Nerval. Et avec le petit Gavroche de Victor Hugo, enfin. Oui. C'est le retour à la fois de l'enfant et de la cantine en tant que telle, presque. Avec Hugo, bien sûr. Mais alors, Hugo a tout réinventé. Enfin, Léon-Paul Fargue disait c'est le Père Noël de la littérature. Je crois que c'est vrai. Bien entendu, il y a dans Les Misérables, il effleure le goût absolu pour la comptine. Mais c'est quand même Rimbaud et Verlaine, qui vont affirmer avec le plus de force la nécessité de se rapporter à cette poésie. Alors, donc vous cherchez dans votre livre à faire l'historique, vous allez voir la Grèce ancienne, l'Italie, vous parlez même d'un sujet qui nous est cher à Tire-Talang parce qu'il y a eu un documentaire sur les phatrasies. Mais revenons donc à ce 19e siècle qui n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'il y a un décret impérial sous Napoléon III où le mouvement folkloriste naissant et s'imposant, ce mouvement décide de retrouver toutes les comptines, de les cataloguer, de s'en servir. Oui. Alors, effectivement, Napoléon III a besoin, n'est-ce pas ? Il se trouve que on peut considérer que la culture classique en 1852 apparaît comme une sorte de privilège et de domaine particulièrement aristocratique. Et Napoléon III a intérêt, n'est-ce pas, cet homme qui a voulu se donner une allure populaire, à essayer de donner au peuple sa culture. Alors, il décide de lancer des enquêtes dans tout le pays. C'est la première enquête, 1852, il confie un homme qui s'appelle Ampère. Cette enquête, c'était très mal fait. Ça a été très mal fait. Il y a trois boîtes de manuscrits à la Bibliothèque nationale. À noter pour certains par Sainte-Beuve. Par Sainte-Beuve, oui, parce que Sainte-Beuve, justement, on ne savait pas très bien comment faire pour recueillir des textes folkloriques, de folklore, et les instituteurs ou les préfets même envoyaient des textes qui souvent étaient des textes très littéraires. Alors Sainte-Beuve au crayon a mis trop littéraire, de temps en temps. Mais ce qui est, comme vous disiez, très important, c'est que le goût pour la poésie populaire s'est développé à ce moment-là. C'est la naissance d'un grand mouvement folkloriste et dans chaque province, il y a effectivement des recherches pour mettre à jour, recueillir des formes orales. Et là, il y a de nombreux volumes. Ces campagnes n'arrêtent pas parce qu'il en est une autre que vous citez, c'est plus tard, 1931-1932. Voilà, à ce moment-là, le lien entre la comptine et la poésie est établi, puisque nous avons, n'est-ce pas, quelqu'un comme Apollinaire et qui annonce dans ses chroniques la sortie du livre de Pierre Roy, Sans comptine, et puis les surréalistes déjà exploitent ce que peut apporter la forme comptine, et à ce moment-là, effectivement, des folkloristes se tournent vers l'instruction publique et on se livre à une très grande enquête à ce moment-là, et très bien menée. Et là, j'ai pu consulter les sept ou neuf grandes boîtes où on a conservé au Musée des Arts et des Traditions Populaires les poèmes envoyés par les instituteurs et les institutrices de ces années-là. Et souvent avec des commentaires très intéressants, d'ailleurs. Mais alors, est-ce que, Pierre Lartigue, à ce point de notre entretien, vous pourriez nous en lire une comptine qui vous tient à cœur, avec peut-être les prolongements poétiques qui eurent lieu ? Ah, écoutez, tout à fait, il y en a une qui, bien entendu, dans son prolongement poétique, l'auditeur va tout de suite la reconnaître. Enfin, une du département de la Marne, Un enfant chante, c'est une comptine qui vient de ce recueil des années 31-32. As-tu connu Pipo, Pipo, Pipo quand il était militaire ? As-tu connu Pipo quand il avait le sac au dos ? As-tu connu Pipo, Pipo, Pipo quand il était matelot ? Où tout le monde a reconnu le poème d'Apollinaire. As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était militaire ? As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était artiflot à la guerre ? Mais peut-être celle qui me tienne personnellement le, le plus à cœur, peut-être, sont celles que l'on trouve dans le merveilleux livre de Pierre Roy, qui est le premier, donc, à nous donner le mot comptine, à l'utiliser. Et il y a celle-ci, Pierre Roy a recueilli ces comptines avec l'aide d'une dame qu'il aimait, dont il a eu un enfant, Adrienne Ridoux, qui était styliste chez Paquin. Et Pierre Roy a eu la douleur de perdre Adrienne Ridoux. Et ces comptines, les comptines abordent souvent le problème de la mort et d'une façon terrible, je trouve. Et dans les 100 comptines de Pierre Roy, il y a celle-ci. Quand un petit poisson est dans l'eau, il fait you. Quand il sort de l'eau, il ne fait plus you. Qui est une comptine à vous faire passer des frissons dans le dos. Alors, pour tout de suite donner une allure un peu plus guillerette quand même à cette chose et voir que c'est une incitation au rythme, n'est-ce pas? Trois grenadiers de la garde impériale qu'avaient erré les pieds gelés à Moscou, disaient un jour à la fille du serrurier qui a percé le trou de la clé de la serrure de la grille qu'entoure la colonne Vendôme, ces canons-là, c'est nous qu'on les a pris, Pierre Lartigue, nous sommes à la radio et j'ai très envie là, de rendre hommage à Philippe Soupeau. Parce que Philippe Soupeau, en 1957-1958, a lancé une campagne de recherche extraordinaire puisque ça touchait la CRPLF, hein, la Communauté des radios publiques de langue française, c'est-à-dire la Suisse, le Canada français, la Belgique, la France. Et un livre est paru d'ailleurs il y a 40 ans, je crois, chez Segers en 61. Présenté par Philippe Soupeau et d'autres. Et Philippe Soupeau, dans votre livre, Pierre Lartigue a droit à un chapitre de choix, et vous parliez de la mort. Je voudrais juste lire celui-ci. Philippe Soupeau dans son lit, né un lundi, baptisé un mardi, marié un mercredi, malade un jeudi, agonisant un vendredi, mort un samedi, enterré un dimanche. C'est la vie de Philippe Soupeau. Oui. Alors, bien entendu, les auditeurs ont reconnu là une nursery rhymes anglaise, n'est-ce pas? Le petit héros anglais, c'est Salomon Grundy, hein, qui dont on égrène la semaine. Et là, Philippe Soupeau s'est glissé dans le costume de Salomon Grundy et parle de lui ainsi. Ce sont les premiers poèmes de Philippe Soupeau, et c'est cela qui est intéressant pour moi particulièrement. C'est qu'on voit bien que les premiers poèmes surréalistes, les premiers poèmes à la source même de l'invention de la poésie moderne, et chez Philippe Soupeau c'est clair, ont été là empruntés directement aux nursery rhymes. Il s'explique qu'il avait eu la chance d'avoir une nurse anglaise, donc il n'avait pas eu la censure de la famille française vis-à-vis de ces choses qui n'avaient pas de sens. Et d'ailleurs, il y a là dans « À boire », qui est un poème de ces années-là, « Si le monde était un gâteau, la mer de l'encre noire et tous les arbres des lampadaires, qu'est-ce qui nous resterait à boire ?» C'est un poème de Philippe Soupeau qui est directement inspiré par une nursery rhymes anglaise. Pierre Lartigue, dans votre livre, il y a foison d'exemples. On trouve ce que Benjamin Perret a fait à partir de, vous savez, et voilà du bon fromage. On trouve des comptines pas très politiquement correctes où des négresses rêvent de mettre leur face dans un bol de lait pour devenir blanche. On trouve des comptines du Canada français qui rappellent certaines qu'on entendait en France il n'y a pas si longtemps, petit couteau doré d'argent, etc. Mais votre livre se termine, et j'aurais terminé notre entretien là-dessus, votre livre se termine sur des comptines tout à fait post-modernes. J'en lis deux. C'est des comptines qu'on entend dans les cours de récréation. Une amie vous a donné le tuyau, Pierre Lartigue. Joyeux anniversaire, la culotte à l'envers, le gâteau tombe par terre, rendez-vous au cimetière, toujours la mort. Et puis la dernière, 1, 2, 3, jambes de bois, les droits de l'homme, le roi de Rome, quoi ? 3 pommes, www.com. Eh bien, je voudrais que sur cette comptine étonnamment moderne, puisqu'il s'agit de la toile, Internet pour les franglaisans, nous nous quittions. Pierre Lartigue, merci. Je rappelle aux éditions Les Belles Lettres le titre de votre livre, Une cantine de comptine. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, aujourd'hui centrée sur le documentaire de Simone Dweck, Quoi de neuf chez Gaffio, avec Frédéric Biville, Pierre Flaubert, Françoise Vaquet. Textes et extraits du Gaffio lus par Thierry Beauchamp. Mixage Noélie Louis-Marie et Philippe Thibault. Réalisation Françoise Camard. L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 septembre 2001. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.